Hey, je traîne pas solo en forêt à 4h du matin. Je fous le souk en soirée, crade quand je suis atteint. J'ai pas fait le tour de Bruxelles en patin. J'ai pas dire j'aime pas l'école en latin. Je vais pas mettre 1000 balles pour le premier Tintin. Mais je suis pas un chien, t'inquiète cousin, viens. Je parle pas aux esprits, au Christ ni à Satan. J'ai pas fait le tour de l'Europe en stop avec ma tante. J'ai pas cessé le leader, je suis pas le pote du videur. J'ai pas le frigo plein de bière à du leader. Je suis pas le sosie de Johnny, il est pas beau, j'ai pas vu 16 fois le seigneur des anneaux crade. J'ai pas le maquillage de ta pillage. J'vais pas bicra 20 reins pour m'acheter à pillard. J'suis pas le pote de chevalier la spalace. Boycott moi, j'suis un vieux type de la smala. C'est vrai que ça varie pas souvent. J'parle de peu et de flic. Tu veux du message et des thèmes. Bah t'as qu'à me donner du fric. C'est juste pour le plaisir de poser sur un bon beat. D'insulter la police, RAF comme un plodis. On a beau dire, c'est vrai que le rap est mort. J'suis pas là pour le faire renaître, juste pour faire flamber son corps. J'viens pas pleurer mon sort, c'est RIZ le sorcier. J'rentre partout sauf quand y'a un portier. Aborder un thème, mais j'suis pas schizo comme le moine. Franchement, tu veux que je parle de quoi à part de moi? Du quand je veux rester jeune, whisky, coca, PlayStation. Tous mes frères sont des seuls, mais ils me laisseront pas crever seul. Ma vie c'est le désert, il me faut plus qu'un oasis. Le paradis ou l'enfer, il faut bien que je choisisse. Conclusion, l'argent n'est qu'une rageuse. Je vais te dire la vérité, pour moi la chance n'est qu'une lâcheuse. Je joue à cache-cache, pendant que les flics jouent à touche-touche. Rien à foutre de faire du cash-rad, m'appelle pas pour faire bouche-trouille. Y'en a marre de star, j'ai faut qu'on se bouche-couche. Je suis un francophone, terre, banner, Lando. Ici ça trace, ça sépare, médaille à Orlando. À l'époque, caisse de R où on glandait. On se cachait derrière la fumée hollandaise. C'est le petit quête qui rappe, tous les grands se taisent. Trop de gens se cachent, ne dévoilent pas facette. Ils inventent une vie, mais pour moi c'est facile. Pareil que tu trouves pas ça chouette pédale. C'est quoi? C'est un fellow, y'a que le rap qui me fascine. Les bâtards, je me la pète, je suis le maître au crête. T'assis dans le son, toujours j'avance, je ne reste pas statique. Je me pète la tête au Jim Beam, au JB. Le soir dans mon lit, c'est Walibi.